Bonjour Mathieu Guérigou-Lagrange, à demain. Mexique, Papouasie et même au Béarn la semaine dernière. De facto, il ne se passe pas une journée, une semaine sans que la Terre ne tremble à un endroit du globe, qu'il s'agisse de micro-séismes imperceptibles à l'être humain ou de tremblements de terre meurtriers qui déciment des centaines, voire des milliers de personnes. Or, malgré les progrès technologiques de surveillance de notre croûte terrestre, il est toujours pour l'heure quasiment impossible de prévoir quand va survenir un séisme, à moins qu'il ne faille observer les vibrations de la Terre, mais l'atmosphère, voire celle des perturbations gravitationnelles. Séisme vers des prévisions sans faille, c'est le problème que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Voilà, pour évoquer ces questions liées au séisme, pas uniquement aux prévisions, mais sur l'ensemble des phénomènes qui conduisent à des tremblements de terre, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Pascal Bernard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sismologue à l'Institut de physique du Globe de Paris et nous sommes en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Alsace à Strasbourg avec Jérôme Vergne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes physicien à l'école et observatoire des sciences de la Terre à Strasbourg. Vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour en direct sur les ondes radio et sur notre fil Twitter @laméthodefc. La Terre tremble à Mexico. Les routes se soulèvent. Une quarantaine de bâtiments s'effondrent les uns après les autres. Le séisme a fait au moins 248 morts. Ces images aériennes montrent des bâtiments totalement effondrés alors que ceux d'à côté sont intacts. Mais les secouristes craignent d'autres explosions, notamment à cause des ruptures de canalisation de gaz. Voilà, le séisme au Mexique, dans la région de Mexico, c'était au mois de septembre dernier, 32 ans, jour pour jour, après un autre séisme particulièrement meurtrier, celui-là c'était en 1985, qui avait fait plus de 10 000 morts, et quelques jours seulement, 12 jours après, un autre séisme un peu plus au sud du pays, dans la région du Chiapas, un séisme qui a pour le coup à peu près surpris tout le monde, personne ne l'a vu venir, ni les gens sur place, puisque le système d'alerte sismique ne s'est pas déclenché, ni vraiment les sismologues qui n'attendaient pas Pascal Bernard, à un séisme aussi proche que celui qui venait de survenir dans le Chiapas. Oui, les séismes et les zones sismiques du Mexique, c'est surtout la côte ouest pacifique, où c'est la zone de contact entre deux plaques qui s'affrontent, qui convergent et qui se débloquent de temps en temps, donnant ces grands séismes historiques, comme celui de 85, le plus récent, très meurtrier. Et là, effectivement, ce sont des séismes qui sont connus, plutôt plus petits, plutôt des magnitudes 7. Donc des très gros sont quand même très très rares, mal documentés, et surtout on ne peut pas en connaître le rythme parce qu'on n'a aucun accès aux failles, elles sont profondes, 70, 100 kilomètres. Et voilà, donc on reste un petit peu dans la découverte de cette mécanique de la plaque profonde une fois qu'elle a plongé et qu'elle n'est plus en contact direct avec le frottement, disons, de l'autre plaque. Paradoxalement, Jérôme Vergne, ce séisme du mois de septembre au Mexique a permis précisément, grâce à l'observation des ondes qui se sont diffusées dans la croûte terrestre, de mieux comprendre justement la nature exacte de cette zone de subduction et par tomographie de voir, de comprendre un peu mieux comment se passaient ces séismes profonds et très horizontaux, si j'ai bien compris. Alors oui, disons que on utilise les séismes et les signaux qui sont générés par ces séismes-là et enregistrés par des sismomètres un peu partout sur Terre, à la fois pour comprendre les processus qui génèrent la rupture sismique et donc derrière les ondes sismiques et les dégâts associés, mais on les utilise aussi depuis plus de 100 ans maintenant pour faire des images de l'intérieur de la Terre. On passe un peu la Terre au scanner à l'aide de ces séismes, hein, à travers les ondes qui propagent à l'intérieur de cette boule. Et on en déduit ou on essaye de mieux comprendre un petit peu la dynamique, la structure et la dynamique de l'ensemble du globe terrestre. Alors ces séismes au Mexique se sont rajoutés à toute une collection de séismes qu'on a depuis donc plus de 100 ans et qui améliorent au fur et à mesure notre connaissance de cette structure-là et qui est crucial pour arriver à estimer quels peuvent être quelque part les mécanismes globaux à l'origine des séismes et puis focaliser sur par exemple la géométrie de ces failles, on va dire, en profondeur, en particulier comme le disait Pascal Bernard au Mexique, où là les ruptures des deux séismes que vous avez mentionnés se sont produites à l'interface entre deux plaques en rapprochement, on va dire, et à plus de 100 km de profondeur. Alors on va évoquer hein, tout au long de cette heure exactement bien ce que c'est, ce qu'il se produit pendant un séisme, puisque bien la Terre en fait bouge, les plaques tectoniques bougent tout le temps en permanence, sans pour autant que ça produise des séismes de cette ampleur-là. Je le disais dans l'introduction, finalement Pascal Bernard, des séismes il y en a tout le temps. À tous les jours, à tout moment du globe, sans qu'on les perçoive. Oui, et heureusement on ne les perçoit pas, c'est-à-dire qu'ils ne font pas de dégâts. On peut dire que les grands séismes sont rares, les petits séismes sont extrêmement fréquents. Il y a une loi très simple, c'est que passer d'une magnitude de 7 ou 8, comme il y a au Mexique, à une magnitude de 6 ou 7, donc un point de magnitude en moins, eh bien vous avez 10 fois plus de séismes. Et donc à chaque fois qu'on décroît d'un point de magnitude, vous multipliez par 10 le nombre de séismes qui dépassent cette magnitude. Donc quand on arrive à des magnitudes 3, vous voyez, ça se compte en centaines de milliers. Mmh. Il y a deux géophysiciens américains, Rebecca Bendick et Roger Bilham, ont assuré que 2018, alors je vous propose ceci parce que ça m'a un peu surpris en préparant cette émission, ils ont assuré que 2018 serait, je cite, l'année des grands séismes. Pour ce faire, ils s'appuient sur l'histoire de la sismicité de la Terre depuis 1900. Ils concluent que tous les 32 ans, il y a des vagues de séismes majeures. Que faut-il penser de ce type de prévisionnisme un peu à l'emporte-pièce, on a envie de dire, Jérôme Vergne? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'on peut croire à cette périodicité aussi stricte de 32 ans? En fait, ce qu'il faut d'abord voir, c'est comme vous l'avez dit avant, en fait, ces grands séismes sont relativement rares. L'autre problème est que on a une connaissance, on va dire, exhaustive de ces grands séismes depuis assez peu de temps. Alors, avec des instruments sismologiques, on va dire, depuis une centaine d'années, avec tout un ensemble de ce qu'on appelle de données macrosismiques, on va dire de témoignages décrits depuis quelques milliers, depuis un, on va dire en maximum un millier d'années. Et donc c'est très difficile de faire de la statistique sur des petits nombres quelque part. Alors si on regarde en effet ce qui s'est passé durant le dernier siècle, on va dire, on a l'impression qu'on a eu une bouffée de séismes importants. Quand je dis séismes importants, c'est qui dépasse la magnitude 8, 9 dans les années 60 en particulier, et puis de nouveau un petit peu, on va dire entre l'année 2000 et 2010. Et quand on regarde un peu cette statistique dans le passé, il y a peut-être une cyclicité qui peut apparaître. Après, le mécanisme qui serait associé à ces grands cycles est, à ma connaissance en tout cas, encore pas très clair, clarifié et débattu. Et donc, quand on connaît pas le mécanisme, c'est difficile derrière de partir sur une notion de prévision telle que le font ces deux auteurs. Ça, c'est mon disons qu'on peut Pascal compléter Bernard, en disant quand même le mécanisme qu'il propose, qui reste encore à prouver, puisque la corrélation est établi, mais faiblement établi, disons, c'est la rotation de la Terre, c'est-à-dire la fait que la Terre tourne un petit peu plus vite ou un petit peu moins vite, de très peu, évidemment, et quand on moyenne ça sur quelques années, il y a des périodes où, pendant 4-5 ans, elle tourne un peu plus vite, et c'est ces périodes d'accélération qui donnent lieu à à un peu plus de sismicité dans les zones équatoriales. Donc, on peut avoir un début d'idée de modèle mécanique, de déformation de la planète Terre, c'est un effet centrifuge, en quelque sorte, ça tourne plus vite, ça se déforme plus, les tractions, les compressions sont un peu différentes, et donc les zones de faille principales qui s'orientaient de telle ou telle façon peuvent réagir plus ou moins bien. Donc ça, c'est l'idée de base qui reste et qui reste à tester sérieusement, à la fois d'un point de vue des modèles et aussi d'un point de vue, comme disait Jérôme, de la statistique plus fine. Il faut rester donc relativement prudent sur ces superclics pour le moment. Voilà, c'est une hypothèse qu'il faut manipuler avec prudence. Je pense qu'il y a suffisamment d'éléments pour que ça motive des chercheurs à aller plus loin. Très bien. Alors, pour avancer un peu, quelle est aujourd'hui, finalement, notre capacité? Parce que là, donc, ce serait une sorte de prévisionnisme sur des super cycles, sur des, voilà, des temporalités très longues. Est-ce que aujourd'hui, quelle est notre capacité, Jérôme Vergne, à anticiper les séismes aux conséquences majeures de cette ampleur-là, sur des périodes plus courtes, à moyen terme ou à court terme? Bah c'est tout le problème général de la prévision, hein. Peut-être pour clarifier un peu le terme de prévision tel qu'on l'entend souvent, hein. L'idée de prévoir un séisme, c'est d'être capable de donner, avec une barre d'erreur qu'on connaît, à la fois la magnitude du séisme, sa localisation et le moment où il va survenir. Globalement, on sait maintenant assez bien avoir une prévision, on va dire, long terme. Et long terme, c'est quelques dizaines à centaines d'années qui correspond quelque part à la durée de ce qu'on appelle le cycle sismique, c'est-à-dire, on va dire, le temps de retour d'un séisme sur une certaine portion de faille. Et encore, on avait des modèles déterministes assez simplistes il y a encore quelques dizaines d'années en disant, voilà, telle faille génère un séisme tous les 50 ans de magnitude 6, donc eh ben on va pouvoir prédire le séisme suivant, même dans des endroits, il y en a peu sur Terre, mais où on avait cette cyclicité assez régulière, on n'a pas forcément été capable de le faire. Là, je pense notamment au cas de Parkfield. Alors, mais malgré tout, disons qu'aujourd'hui, on connaît bien les zones sismiques, on connaît les failles qui sont en mesure de rompre dans les années ou les dizaines d'années à venir et de générer des forts séismes. Tout le problème, donc, maintenant, est d'arriver à affiner ces choses-là pour être à une temporalité un peu plus courte, de l'ordre de quelques mois, quelques jours. Et donc, pour ça, en fait, il faut être en mesure, alors, soit de mesurer in situ vraiment les propriétés de la croûte au niveau des zones de faille, à l'endroit où les séismes vont être générés, mais ça, c'est très compliqué, ça demande des moyens très lourds, il faut forer à plusieurs kilomètres de profondeur, il y a très peu d'endroits dans le monde où on a ce type de mesure. L'autre aspect, c'est d'essayer de rechercher ce qu'on appelle généralement des signaux précurseurs, des éléments qui vont nous indiquer qu'il pourrait y avoir un séisme. Et donc ça, c'est toute la complexité de toute cette recherche qui se fait au niveau des signaux précurseurs et qui n'a pour l'instant pas abouti complètement, c'est-à-dire qu'on n'a toujours pas, pour simplifier un discours, le signal précurseur qui va se réaliser avant un grand séisme, même si on a une foule d'idées qu'on va sans doute aborder par la suite. Alors oui, tout à fait, hein. On va rentrer dans le détail un peu, parce que finalement, des signaux précurseurs, on en a un certain nombre, mais qui sont soit trop courts, Pascal Bernard, je parle sous votre contrôle, soit pas systématiques, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable, en mesure, de les distinguer ou de les repérer à chaque fois. Oui, tout à fait. Bon, les séismes, ce sont les petits séismes, ils sont en fait les signaux précurseurs les plus clairs. Alors, je ne sais pas si je peux un peu développer là. Bien sûr, évidemment. C'est vraiment ce qui, en gros, les gens disent, ah, il y a eu des petites secousses avant, et puis voilà, donc un gros va venir. Donc, effectivement, c'est ce qu'on observe un peu de ci, de là. Lorsqu'on regarde rétrospectivement ce qui s'est passé avant un grand séisme, eh bien, à peu près une fois sur dix, on trouve une petite micro-sismicité, soit ressenti par les gens, donc assez fort, des magnitudes 4, soit bien détecté par les instruments, des magnitudes 2, des magnitudes 3. Donc des petits craquements très concentrés dans l'espace, assez concentrés dans le temps, puisque généralement ils apparaissent de quelques heures à quelques jours avant le séisme, et ça donne l'alerte. Et c'est peut-être probablement une des sources des comportements animaux anormaux, puisque les animaux étant plus sensibles aux micro-vibrations, ils peuvent détecter des choses que nous, humains, sentons beaucoup moins bien. Donc, et beaucoup de gens travaillent là-dessus. Est-ce qu'on peut détecter des signaux plus fins encore, sismiques, en allant profond avec des forages au cœur des failles, pour justement augmenter notre vision des phénomènes précurseurs sismiques? Est-ce qu'on peut distinguer des petites crises micro-sismiques qui n'aboutissent à rien. 9 fois sur 10, ça aboutit à rien. Donc, on ne va pas évacuer les villes 9 fois sur 10 ou 99 fois sur 100. Les gens vont se lasser et finalement, quand le séisme viendra, ça va crier au loup pour rien. Donc là, il y a un gros travail qui se fait justement pour voir s'il y a une structuration de ce type de séisme dans l'espace et dans le temps qui disent bah, mais ça, c'est une crise micro-sismique ordinaire, elle a pas lieu de donner ou peu de chances de donner lieu à un grand séisme qui va venir. Ou bien non, ça, c'est vraiment un gros morceau de faille qui commence à lâcher parce que ça a telle et telle caractéristique fine qu'on cherche à déterminer en ce moment. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Voilà, 16h15, nous parlons, comme vous l'entendez, de séisme et de tremblement de terre tout au long de cette heure avec Pascal Bernard et Jérôme Vein qui est avec nous en duplex depuis Strasbourg. Peut-être qu'il serait bon, Jérôme Vein, de revenir un peu à la racine finalement de ces séismes, de lever un peu le capot de la croûte terrestre pour comprendre exactement quels sont les phénomènes qui sont à l'œuvre. Alors, on connaît un peu les grandes lignes, on parle de subduction, d'une plaque tectonique qui passe sous l'autre et puis il y a un phénomène de frottement et ça tremble. Mais en fait, il y a aussi beaucoup de plaques de subduction qui bougent en permanence sous nos pieds, très lentement, sans créer de séisme. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant un séisme exactement ? Jérôme Vergne. Ah, nous avons perdu Jérôme Vergne. J'ai l'impression que nous avons perdu Jérôme Vergne. Alors Pascal Bernard. Je peux répondre aussi. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Donc, les plaques peuvent effectivement se rapprocher à vitesse constante. Donc, les roches se compriment autour de la zone de faille qui est bloquée. Les roches se compriment, la faille ne bouge pas. Bon, ben, tout ça, ça se raccourcit, comme au Japon, par exemple. Et puis, tout d'un coup, la faille est tellement comprimée, elle est un peu de biais, et donc elle va se mettre à glisser. Les deux blocs de part et d'autre de cette faille vont glisser l'un sur l'autre. L'un bloc va monter, l'autre bloc va descendre, dans le cas d'un rapprochement des plaques. C'est ce qui se passe au Japon, c'est ce qui se passe sur la côte ouest de l'Amérique du Sud, par exemple. Et ce glissement est très rapide. Donc, le chargement tectonique, ça peut prendre 100 ans, 1000 ans, 10 000 ans. Et puis le relâchement, ça peut prendre quelques secondes à quelques minutes. Pour les plus gros séismes, le grand séisme de 2011, c'était 120 secondes, 2 minutes. Hein. Ça, en gros, ça a glissé en 2 minutes. Et ce glissement, il concerne quoi ? Il concerne une petite partie de la zone de contact. Hein. Ce n'est pas toute la zone de subduction qui casse d'un coup, heureusement. Sinon, ça ferait des séismes de magnitude 11 ou 12. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a une zone qui fait 100 km, 200 km, voire 1000 km pour les plus gros qu'on connaisse, qui glisse, et qui glisse en donc quelques minutes, et qui glisse de plusieurs dizaines de mètres. Pour le séisme du Japon de 2011, qui a fait ce gigantesque tsunami, eh bien, le glissement au maximum était de 50 mètres. C'est-à-dire, imaginez, en à peu près moins d'une minute localement, un bloc qui monte sur l'autre et qui glisse de 50 mètres. Alors, et ça se passe sous l'eau au Japon. Ce qui explique en fait le tsunami. Hein, la bosse d'eau qui est générée par ce mouvement en une minute, eh bien elle suit le fond marin, bien sûr, elle n'a pas le temps de s'étaler en une minute. Par contre, la bosse d'eau, elle n'est pas stable et elle va s'écrouler doucement et faire les vagues qui inondent de 20 minutes, une demi-heure plus tard, les côtes du Japon, d'où le monstrueux tsunami qu'on a pu voir. Est-ce que ces phénomènes de craquage sur ce qu'on appelle une faille bloquée, est-ce que ce sont des phénomènes purement mécaniques aujourd'hui que l'on comprend, que l'on est capable de modéliser bien ? Je crois qu'on a retrouvé Jérôme Vergne. Allô ? Jérôme Vergne, êtes-vous de là ? Non, il n'est pas là. Alors Pascal Bernard, on attendait de reprendre le contact avec Strasbourg. Alors on les comprend, on a fait beaucoup de progrès depuis une trentaine d'années sur ces questions de frottement, c'est vraiment du frottement. On a une zone de contact qui est bloquée et puis on a assez de cisaillement pour tout d'un coup la débloquer. Donc ça on comprend là-bas, c'est des principes de Coulomb, c'est du frottement qu'on connaît depuis des siècles. Maintenant les modèles se sont affinés et ce qu'on s'aperçoit c'est que finalement les failles, elles sont jamais complètement bloquées, elles sont toujours en train de glisser un tout petit peu. Alors, un tout petit peu, c'est-à-dire peut-être d'un micron par an. Mais que ce micron par an, tout d'un coup, il s'accélère un petit peu, on passe à 1 cm, on passe à 10 cm par an, et puis ensuite, on arrive à une accélération très rapide dans les dernières secondes, dernières minutes, voire les derniers mois. Et c'est ça qui nous donne d'ailleurs espoir de détecter le précurseur, c'est qu'on a une accélération de l'instabilité de la faille. C'est pas tout ou rien, on a une préparation lente, une accélération, et cette accélération, si elle a lieu pendant une seconde ou deux secondes avant la grande rupture, avant la nucléation de la grande rupture, ça ne va pas nous apporter grand-chose. Par contre, l'existence de précurseurs sismiques et d'autres précurseurs de déformation qu'on voit à la surface de la Terre nous font penser que pour une grande partie des séismes, eh bien, cette phase de déstabilisation de la faille peut durer des jours, voire des mois. et des analyses très fines de la sismicité, un peu statistiques, montrent que la plupart des grands séismes de subduction sont précédés d'une déstabilisation d'une zone très grande qui fait plusieurs dizaines de kilomètres de dimension, où voilà, ça commence à craquer un petit peu, ça glisse lentement. Le problème, c'est que ces craquements, si on les voit pas bien parce qu'on n'a pas les sismomètres au bon endroit, eh bien, on ne voit rien. Parce que ça se passe généralement sous l'eau ou profond, et donc la géodésie elle-même est incapable de répondre par absence de mesures géodésiques. Donc le frottement est maintenant conçu comme une manière de voir à la fois des mouvements très rapides au moment du glissement sismique qui émet les vibrations, c'est déjà assez compliqué, mais aussi un frottement qui est dynamique mais très lent, de la préparation de cette instabilité. Alors, les deux questions me viennent quand je vous entends expliquer très, très clairement ces phénomènes effectivement mécaniques, qui sont des phénomènes relativement bien compris, puisque l'on sait qu'il y a plusieurs endroits de subduction sensibles qu'on a identifié, les zones, je parle sous votre contrôle bien sûr, Pascal Bernard, de subduction qui peuvent produire des séismes, et puisqu'on est capable dans une certaine mesure de monitorer la vitesse de cette subduction, comment se fait-il qu'avec ces données-là, on ne puisse pas dire « attention, cette plaque à tel endroit est en train d'augmenter son mécanisme de subduction, sa vitesse de subduction dans la faille, et donc on approche du rythme d'un craquage important dans les jours/semaines à venir ». Alors on commence à le voir, on commence à voir avant quelques séismes cette augmentation, généralement on le voit après, parce qu'on s'est dit « il y a eu le séisme, on va regarder ce que dit la géodésie ». Avant, on a des stations GPS qui mesurent le mouvement de la plaque au millimètre près. On a des sismomètres très fins, donc au Japon, comme au Chili, par exemple, ou en Équateur, on essaye de voir ces mouvements transitoires, c'est-à-dire on a le mouvement régulier, le GPS montre que ça c'est en train de se raccourcir ou c'est en train de s'étendre. Et est-ce qu'il y a des anomalies dans ces vitesses? Et ça, on commence à les repérer. Et du coup, ça permet, indépendamment d'un grand séisme à venir, ça permet de voir les zones, parce qu'il y a comme des zones de contact de faille qui glissent tranquillement. Pendant un an, par exemple en Équateur, il y a des zones qui sont très bien identifiées maintenant et qui sont découplées au Chili, au Pérou. Il y a des grandes zones qui font des centaines, des milliers de kilomètres de long qui ne font jamais de grands séismes parce qu'elles ça glisse comme dans du beurre. Si c'était comme ça partout, aux toutes frontières de plaques, on n'aurait pas de grands séismes. Malheureusement, ces zones-là sont par-ci par-là, mais elles sont assez rares. Et donc c'est intéressant parce que ça donne une limite des zones qui, elles, sont bloquées. Et en plus, ces zones-là qui glissent tranquillement, elles glissent tranquillement, mais aussi parfois de manière instable. C'est-à-dire que parfois, elles glissent un peu plus vite, parfois un peu moins vite. Et ça nous dit que quelque chose, peut-être, au voisinage de la zone bloquée, est en train de grignoter, de préparer la zone bloquée à casser. Donc, ces analyses-là ont commencé il y a à peine une dizaine d'années, de manière sérieuse, un peu systématique. Et donc, on progresse assez vite, pourvu qu'on ait des instruments assez dense et assez proche de la zone de faille. Donc voilà, c'est un peu la difficulté. L'instrumentation, c'est vraiment la clé des progrès à venir. Bien sûr, ce qui n'est pas le cas, évidemment, quand les failles sont loin, sous une croûte océanique, difficile d'accès, évidemment. Comment est-ce qu'on pourrait, en quelques mots, Pascal Bernard, rappeler ce qui se passe chronologiquement dans un séisme? C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où cette faille bloquée casse, qu'est-ce qui se passe? Alors, la faille bloquée qui casse, en fait, donc il y a une zone de la faille qui est un peu plus faible que l'autre, qui va commencer à glisser de manière encore non sismique, donc voilà, et en quelques secondes ou quelques semaines, elle va atteindre une dimension qui va rendre tout le voisinage complètement instable. Et là, ça démarre. Ça démarre, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on a une fracture qui se propage sur la zone de faille. Alors, c'est une fracture à deux dimensions, donc. Imaginez une feuille de papier, donc on va prendre un modèle à une dimension, c'est plus simple. Vous avez une feuille, ou un sopalin, papier, voilà, avec un petit déjà un petit peu déchiré, et puis vous tirez dessus, et puis tout d'un coup les deux morceaux du papier vous restent dans les mains parce que vous avez tiré assez fort et ça a cassé d'un coup. Mais en fait, si vous aviez une caméra rapide, ça casse pas d'un coup, il y a une zone un peu faible qui commence à casser et la déchirure se propage de part et d'autre de la feuille de papier. Et bien pour les failles, c'est pareil, sauf que c'est à deux dimensions. Autour de la zone qui commence à glisser, et bien il y a une espèce de déchirure qui se propage, en gros, pour simplifier, selon un espèce de cercle qui s'agrandit très très vite et qui balaye toute la zone de faille. En avant de ce cercle, il y a les forces augmentent très très vite, et en arrière de ce cercle, ça glisse très très vite. Et donc là où ça glisse très très vite, ça secoue les roches et ça envoie des ondes dans toutes les directions parce que les roches sont élastiques. Donc dès que vous faites bouger un morceau de roche quelque part, eh bien ce mouvement se propage à grande vitesse. Et donc il faut voir que la vitesse de rupture de ces failles, c'est 3 km par seconde. Donc, et la vitesse des ondes, c'est un petit peu plus rapide. Donc, au moment où ça glisse, eh bien, la zone qui glisse dans la zone fracturée envoie des ondes à entre 3 et 6 km par seconde, et la rupture elle-même se propage à 3 km par seconde. Ce qui fait que si la faille fait 1000 km, en gros, elle va mettre 300 secondes pour casser. Si la faille fait 10 km, pour faire une magnitude 6, disons, eh bien, la faille met 3 secondes pour casser. Donc, on voit bien que la durée de la forte secousse va être directement liée à la dimension de la faille et à la magnitude, en fait. On a retrouvé Jérôme Vergne et la liaison avec les studios de France Bleu Alsace à Strasbourg. Jérôme Vergne, peut-être un mot, puisque Pascal Bernard vient de l'évoquer, l'échelle de Richter, elle est strictement proportionnelle à la taille de la faille, c'est-à-dire la magnitude est strictement proportionnelle à la taille de la faille. Alors, la magnitude est une mesure, plus généralement, de l'énergie qui est libérée au moment d'un séisme. Cette énergie, elle est liée en grande partie à la surface de la rupture. On a différentes échelles de magnitude pour estimer l'énergie libérée par un séisme. L'échelle là que vous citez, dite l'échelle de Richter, était, on va dire, une espèce de mesure un peu empirique qui a été développée au début du XXe siècle, qui consistait simplement à regarder quelle était l'amplitude maximale des ondes enregistrées à une certaine distance du séisme. Et on a développé depuis d'autres échelles de magnitude qui permettent, on va dire, d'avoir une estimation un peu plus correcte de l'énergie libérée par le séisme, de l'énergie libérée par le séisme sous forme d'onde sismique. Donc celle qu'on utilise maintenant, c'est ce qu'on appelle l'échelle de Kanamori ou la magnitude dite MW, qui a l'avantage, on va dire, de ne pas, ce qu'on appelle saturer, c'est-à-dire que les autres échelles de magnitude, les échelles anciennes, au-delà d'une certaine énergie libérée, on avait un peu toujours la même valeur de magnitude, et ce qui posait un problème pour l'estimation de la magnitude des grands séismes. Ce qui a été le cas notamment au moment du séisme de Sumatra, où avec les premières mesures qu'on a, donc les premières ondes qui arrivent aux stations sismologiques, on a tout d'abord déduit une magnitude qui était de l'ordre d'un peu plus de 7, hein, et puis on a dû attendre d'autres ondes, qu'on appelle les ondes de surface, pour estimer une nouvelle magnitude qui était là au niveau plutôt autour de 8, et c'est en fait pour le séisme de Sumatra en 2004, c'est plusieurs heures, voire un ou deux jours après, qu'on a eu la magnitude finale du séisme. Et ça pose de vrais problèmes, parce que, comme l'avait rappelé Pascal Bernard au début, hein, je ne sais plus s'il avait rappelé ce point-là, mais un point de magnitude supplémentaire, c'est 32 fois plus d'énergie, en fait, libérée. Et donc, les conséquences ne sont pas du tout les mêmes entre un séisme de magnitude 7, 8 ou 9. Bien sûr. Un mot peut-être pour on va redire dans quelques minutes, hein, ces différentes ondes, on va voir qu'elles sont importantes et qu'elles ne créent pas d'ailleurs toutes. Elles ne sont pas toutes à l'origine des dégâts. Peut-être faut-il préciser, quand on parle d'énergie d'un séisme, par exemple un séisme, on va prendre le plus haut, en tout cas celui qui était le plus fort recensé, je crois que c'est le séisme de 9.5, hein, c'est ça, je parle sous votre contrôle, Pascal Bernard. Oui. C'est le plus important séisme, c'est le séisme du Chili. Hein. Tout à fait. C'est oui. Ça. Et donc, quelle est la quantité d'énergie déployée dans une unité énergétique? Je ne sais pas, est-ce qu'on peut comparer ça j'en sais rien, à de la TNT ou à un équivalent énergétique, pour qu'on se rende compte en fait de la puissance énergétique qui est déployée lors de ce type de séisme. C'est une puissance énorme, mais malheureusement je suis incapable de mémoire de vous le dire. Je ne voulais pas dire des bêtises. Est-ce que Jérôme, tu as ça en tête? C'est des énergies considérables. Sur ce type d'énergie, non, j'avoue. Alors pour une échelle de magnitude plus faible, on va dire que typiquement, ce qu'on utilise souvent, la magnitude entre magnitude 5,5-6, c'est l'équivalent à l'énergie libérée par la bombe d'Hiroshima, par exemple. Voilà. Donc, et encore une fois, on multiplie par une trentaine par chaque ordre de magnitude. Donc là, c'est, j'ai du mal à faire le calcul comme ça de tête, mais c'est plusieurs dizaines de milliers de fois la bombe d'Hiroshima. Voilà. Ça donne une idée. Un mot alors peut-être, et puis ensuite on va commencer aussi à voir que on parle beaucoup des ondes et des ondes qui se diffusent dans la croûte terrestre. Elles sont de plusieurs types, ces ondes. Jérôme Vergne, on parle d'ondes primaires, secondaires et superficielles. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ces trois types d'ondes et lesquelles sont observées et lesquelles nous permettent de nous renseigner et de vous renseigner, sismologue, sur l'exacte nature de ces séismes? Alors, en essayant d'éviter un long cours de sismologie, comme je le fais aux étudiants, typiquement, quand une faille génère des ondes, en fait, dans un matériau solide, comme l'intérieur de la Terre, on a ce qu'on appelle deux grands types d'ondes. Les ondes P, P pour primaire, première, c'est celle qui se propage le plus vite, hein, entre 6 et 12 kilomètres par seconde dans la Terre, qui correspondent à une compression et une dilatation des roches. C'est la même chose que l'onde sonore quand on parle dans l'air, une onde acoustique. Et on a une spécificité des matériaux solides, c'est qu'on génère une autre onde qu'on appelle une onde S pour seconde, qui arrive un peu plus tard parce qu'elle est un peu plus lente. On va dire que c'est de l'ordre de un peu moins de deux fois la vitesse des ondes P, et qui elle correspond à un cisaillement des roches. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement de volume, on cisaille la roche. Et en combinant ces ondes-là à proximité de la surface, on va générer un troisième type d'onde qu'on appelle des ondes de surface, donc qui vont avoir une amplitude plus importante, leur amplitude décroît moins vite avec la distance, et elles ont un mouvement beaucoup plus compliqué, elles ont plutôt tendance à se propager, on va dire, le long de la surface terrestre. Voilà, et c'est surtout, on va dire, ces ondes S puis ces ondes de surface qui sont destructrice pour les bâtiments. Voilà. Alors le sismologue, lui, il utilise tout. Il utilise les ondes P, les ondes S, les ondes de surface pour essayer de localiser le séisme, calculer sa magnitude, connaître les milieux à travers lesquels ces ondes se sont propagées. Et un dernier mot pour faire le tour un peu de cette description sismologique des séismes sur les répliques. Elles sont systématiques, Pascal Bernard, elles sont systématiquement moins fortes que la première secousse. Non, pas si systématiquement, malheureusement. Statistiquement, la plus grosse réplique est un point de magnitude inférieur au choc qui la déclenche. Donc ça, c'est la première chose, c'est très important. C'est-à-dire que donc c'est 30 fois moins d'énergie, on vient de le dire. Donc à magnitude 7, on attend en gros une réplique d'un magnitude 6 dans les jours, les mois qui suivent. Bon. Ensuite, au cours du temps, y en a de moins en moins, puis on attend. Donc ça, c'est des lois qui sont connues depuis plus d'un siècle, qu'on affine. Mais en gros, si vous attendez deux fois plus de temps, vous avez le même jour, par jour, deux fois moins de répliques. Donc on a une décroissance au cours du temps. Spatialement, elles sont concentrées autour de la zone de faille, donc elles sont jamais tellement plus loin que, en gros, une ou deux fois la dimension de la faille qui a cassé. Donc ça, c'est le voisinage qui est troublé par le choc des vibrations initiées par la faille principale. Alors malheureusement, ce point de magnitude en moins, il est statistique, c'est-à-dire que parfois on a, peut-être une fois sur 10, c'est difficile à quantifier, eh bien on a un séisme équivalent. Donc on a un doublet en quelque sorte de séisme, magnitude 6, suivi par un magnitude 6 en gros. C'est ce qui s'est passé en Italie il y a un an et demi, hein. Donc au nord de Rome, dans les Apennins. Donc ça, c'est quelque chose qui est très dangereux, puisque les gens sont tentés de revenir chez eux. Il faut évaluer les bâtiments avant qu'ils reviennent. Et souvent, les gens restent chez eux, ou reviennent chez eux assez tôt, et la grosse réplique vient, et c'est pas une réplique, au sens où c'est pas une réplique plus petite. Et encore plus rarement, et ça arrive, c'est que le séisme en question, il est suivi d'un encore plus gros. Le 6 qui donne un 6,5, voire un 7, voire un précurseur de 8, qui peut venir dans les semaines et les mois qui viennent. Et donc on a ces phénomènes de cascade, et donc les répliques, il faut les voir comme des contre-coups, avec un déclenchement plus facile de petits séismes, mais un déclenchement potentiel non nul, de probabilité non nulle, de séismes équivalents ou plus gros. Et à ce moment-là, ces séismes sont simplement des précurseurs. Un mot, Jérôme Vergne, sur ces répliques. Là aussi, évidemment, ce sont des modèles extrêmement complexes qui mettent en jeu un nombre de forces considérables, donc très compliquées à modéliser et à comprendre vraiment dans leur intégralité. Néanmoins, aujourd'hui, on peut prévoir, par exemple, qu'une réplique va devenir plus importante que le choc initial, ou est-ce que c'est totalement imprévisible ? Non, globalement, c'est un peu ce que disait Pascal Bernard à l'instant. Hein. Statistiquement, on travaille en fait que sur des aspects assez statistiques sur les répliques. Hein. Donc, ce qu'on raconte là est issu de l'observation de nombreux séismes, de l'enregistrement des répliques derrière. Et généralement, il n'y a pas la plus grosse réplique est d'une magnitude inférieure au choc principal, mais pas tout le temps. C'est le problème de cette approche un peu statistique. Par contre, ce qu'on peut faire une fois qu'on a eu un grand séisme, qu'on connaît bien quelle est la géométrie de la faille, la nature du glissement, on peut estimer comment, quelles sont les zones où on a une augmentation des contraintes liées à cette rupture, hein, autour de la faille qui a rompu. Et ces zones-là sont, ont plus de probabilité de générer des répliques ou un autre séisme. C'est la notion de séisme déclenché qu'évoquait Pascal Bernard à l'instant. Donc on peut avoir... on peut calculer assez rapidement les zones autour de la rupture principale qui ont le plus de potentiel pour générer d'autres séismes. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Coming de Black Velvet sur France Culture à 16h37, puisque nous parlons de séismes et de tremblements de terre tout au long de cette heure et des façons que l'on a de les prévoir ou de ne pas les prévoir précisément. Nous en parlons avec Pascal Bernard, qui est sismologue à l'Institut de physique du globe de Paris, auteur de Pourquoi la Terre tremble aux éditions Belin, et en duplex depuis Strasbourg et les studios de France Bleu Alsace avec Jérôme Verne, qui est physicien à l'école et observatoire des sciences de la Terre. Alors, un earthquake is coming, un tremblement de terre arrive. C'est précisément cette alésienne qui frustre depuis si longtemps les sismologues. Comment faire pour anticiper les séismes? Quel signal, quelle onde incontestable, quel signal précurseur observer pour anticiper un tremblement de terre et donc en limiter les dégâts? Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, vous vous êtes figuré que ce n'est peut-être pas la croûte terrestre qu'il faut regarder, mais un peu au-delà ou autour, en tout cas, les perturbations gravitationnelles. Oui, et pour comprendre tout ça, je suis allé rencontrer Jean-Paul Montagnier, qui est sismologue à l'Institut de physique du globe de Paris. Avec les astrophysiciens responsables de l'observatoire d'ondes gravitationnelles Virgo, ils se sont rendus compte en 2016 que des perturbations de la gravité terrestre étaient perçues par le détecteur au moment de séismes de forte magnitude, comme par exemple le séisme de magnitude 9 de Tohoku au Japon en 2011. Alors pourquoi ces observations pourraient être utiles dans la prévention des risques sismiques et comment affiner ces observations? Jean-Paul Montagnier nous explique tous les enjeux de cette découverte entre le ciel et la Terre. Les tremblements de terre, il faut savoir qu'ils suivent une loi qu'on appelle une loi d'échelle. Il y a à peu près un séisme de magnitude 7 par mois et un séisme de magnitude 8 par an. Bon, ça, c'est un ordre de grandeur, évidemment. Et le problème, c'est que la première tâche du sismologue, c'est de localiser ces tremblements de terre. Et donc, plus on a de stations, plus on peut les localiser rapidement. C'est-à-dire qu'on a des stations proches de l'épicentre, on peut les localiser rapidement. Alors, les gros séismes, comme celui, là, je montre les données de Sumatra, mais c'est les mêmes pour le Japon le 11 mars 2011, ces séismes, ils sont des séismes de zones de subduction. Alors là, je n'ai pas précisé, mais donc les sismogrammes qu'on enregistre dépendent de deux effets. Ils dépendent évidemment de la nature du tremblement de terre, sa magnitude, ce qu'on appelle son mécanisme au foyer, donc savoir quels sont les plans de faille sur lesquels s'est fait le tremblement de terre. Et puis après, il y a la propagation des ondes, et ce qu'on mesure, c'est le résultat de l'effet à la source et l'effet de propagation. Et le résultat, c'est des trains d'ondes, qu'on appelle des trains d'ondes extrêmement compliqués. Les tremblements de terre, l'un des problèmes, c'est de déterminer rapidement la magnitude et de déterminer si ces tremblements de terre vont être tsunamigéniques ou non. Et le problème du Japon, puisque c'est ça qui nous intéresse et c'est sur ça qu'on a travaillé récemment, c'est qu'en fait, avant de déterminer si ce séisme va donner un tsunami et calculer l'amplitude du tsunami, c'est quasiment impossible. Les méthodes actuelles demandent à peu près 20 minutes d'enregistrement pour pouvoir déterminer de façon assez précise la magnitude d'un séisme. Et donc, le séisme lui-même a été détecté assez vite avec les premières ondes qu'on appelle les ondes P, qui sont les ondes que je pourrais appeler acoustiques, c'est celles qui se propagent quand je vous parle et que j'émets des ondes acoustiques, d'accord. Il y en a partout, il y en a dans l'air, il y en a dans l'eau, il y en a dans la terre solide, évidemment. Mais ce qui est spécifique à la terre solide, c'est qu'en plus de ces ondes P, il y a des ondes S. Et ces ondes S, ce sont des ondes de cisaillement, et c'est elles qui provoquent en fait le maximum de dégâts quand il y a un tremblement de terre. Les méthodes d'alerte rapide sont basées sur la détection, la localisation des tremblements de terre en utilisant les ondes P. Alors, les ondes P, elles se propagent, donc elles n'arrivent pas instantanément dans les stations. Et il se trouve que, avec nos collègues astrophysiciens de l'Université Paris Diderot, ils ont leur détecteur d'ondes gravitationnelles, il s'appelle Virgo. Et en 2012 ou 2013, quand on a commencé ce projet, ils enregistraient, pas encore les ondes gravitationnelles, mais ils enregistraient beaucoup le bruit de fond sismique et les tremblements de terre. Et puis, on s'est mis à faire des calculs tout bêtes avec une théorie qu'on appelle la théorie des modes propres de la Terre. Donc, c'est le fait que la Terre vibre en permanence et on peut exprimer tout déplacement avec les sons de la Terre. Voilà. Et ces sons de la Terre, on sait les mesurer, on sait les calculer, on peut faire ce qu'on appelle des sismogrammes synthétiques. Donc, on peut modéliser les sismogrammes tels qu'on devrait les observer. Et on s'est rendu compte qu'en faisant ce calcul, donc pour le sisme de Tohoku, on a juste au début, donc en même temps que la rupture, il y avait un petit signal qui sortait. C'était purement théorique, d'accord. Et on voyait que ce signal, c'était un signal qui était lié à la perturbation de gravité. Et comment ça se manifeste et comment cette gravité est perturbée? Bon, imaginez qu'un tremblement de terre, c'est deux blocs de part et d'autre d'un plan de faille qui est incliné, qui bouge d'un par rapport à l'autre. Ces blocs sont caractérisés par une densité, et quand on a rupture, on a redistribution de la masse. Donc, si on déplace une masse, on va aussi perturber le champ de gravité. Donc, c'est ce qui se passe lors d'un tremblement de terre. Et ces deux blocs, en fait, il y a des blocs qui sont en extension, d'autres qui sont en dilatation, et donc... comme ça bouge, on change les zones comprimées et les zones dilatées, et ça crée une perturbation de densité partout sur Terre. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce qu'on peut se dire, bon, après tout, il y a des systèmes d'alerte rapide qui fonctionnent avec les ondes P. Donc l'idée avec cette anomalie de gravité qu'on devrait mesurer de façon instantanée, c'est qu'on devrait avoir accès de façon quasiment instantanée à la magnitude du séisme. Ce qui actuellement est impossible puisqu'il faut attendre, je vous dis, à peu près une vingtaine de minutes pour avoir cette magnitude. Donc, ayant la magnitude, indépendamment de ça, on aura la localisation avec les ondes P. On espère comme ça arriver à déterminer de façon précise la magnitude. Donc très vite, au bout de la fin de la rupture, pour le Japon, c'est une centaine de secondes, on aura la magnitude à peu près 9. Et vu la localisation, on sait qu'il y a des risques de tsunami énormes. Donc on pourra faire une vraie alerte au tsunami avec l'amplitude du tsunami. Et donc on pourra améliorer la prévention. Quelques secondes gagnées, ça peut être aussi beaucoup de vies sauvées. Donc c'est ça l'intérêt de cette détermination très rapide de la magnitude des tremblements de terre et de leur localisation. Voilà. Et cette découverte qui est le fruit du hasard, du coup, est-ce qu'elle va donner lieu à des programmes spécifiques de recherche en sismologie? Et est-ce qu'on va essayer de faire aboutir un peu la technologie, de l'affiner pour avoir des signaux qui sont peut-être moins faibles, alors, en ça, tout cas ça, plus c'est, visibles? C'est une très bonne question, parce qu'il y a évidemment le gros problème, c'est que jusqu'à présent, la méthode marche parce qu'on a eu la chance de pouvoir regarder des séismes de magnitude 9. Mais il est clair que si on pouvait descendre à des séismes plus petits, qui peuvent quand même faire aussi des tsunamis destructeurs, évidemment, on serait très content. Alors là, on continue à réfléchir avec nos collègues d'astrophysique. On a fait un peu un bilan des instruments éventuellement disponibles. Les instruments actuels sont inadaptés pour atteindre un tel degré de précision. Donc on a commencé à faire le point sur de quel type d'instrument on a besoin, et on espère qu'on aura les crédits pour développer ces nouveaux instruments qui pourront être utilisés ensuite. Mais je suis très content de commencer à travailler avec les astrophysiciens, parce que même si on est tous physiciens, on n'a pas forcément le même vocabulaire, on n'a pas la même culture scientifique non plus, on n'a pas non plus les mêmes instruments. Donc c'est parfois un défi de faire de l'interdisciplinaire, et donc bon, il se trouve que là, ça a plutôt pas trop mal marché. Voilà, prédire des séismes par les ondes gravitationnelles. Jérôme Verne, Pascal Bernard, qui veut réagir en premier? Pascal Bernard. Non, ondes gravitationnelles, il faut... perturbations gravitationnelles. Parce qu'en fait, les ondes gravitationnelles, elles arrivent à la vitesse de la lumière, donc on ne les voit pas passer, elles passent tellement vite. Par contre, on voit le champ statique résiduel après le passage des ondes, c'est-à-dire le nouveau champ qui évolue tranquillement. Donc c'est un champ, on pourrait dire statique, grade de gravitation classique. Donc ça se calcule de manière classique, heureusement, parce que sinon on aurait du mal à débrouiller, nous, géophysiciens, les équations pour en tirer quelque chose. Et ça se calcule très bien, en fait. Donc un collègue, Martin Vallée, a poursuivi ça avec d'autres observations qui montrent un signal très très évident, même à un millier de kilomètres en Chine, pour le séisme du Japon. Donc c'est très étonnant de voir aussi loin quelque chose d'aussi ténu, mais c'est très clair, et il y a beaucoup de travaux à faire d'un point de vue de la modélisation, du calcul et aussi de l'instrumentation. Donc c'est évidemment un très beau travail. Je suis très heureux de pouvoir d'avoir été intégré dans cette équipe pour faire ma petite contribution. Jérôme Verne, un mot sur ce futur outil qu'on entendait, qui va peut-être être développé dans les mois qui viennent à l'Institut d'astrophysique de Paris? Oui, peut-être d'abord préciser là par rapport à ce que vous avez indiqué, ce n'est pas en tant que tel de la prédiction de séisme. Là, on est dans ce qu'on appelle les méthodes dites d'alerte précoce, c'est-à-dire d'être capable, comme j'ai essayé de l'expliquer avant, de déterminer très rapidement où a eu lieu le séisme et quelle est sa magnitude. Et là, il y a tout un champ, en effet, qui s'ouvre avec ces nouvelles observations là qui ont été faites par mes collègues de l'Institut physique du Globe de Paris. Ce que Pascal Bernard indiquait, c'est que même il y a eu une seconde étude là qui est parue récemment, où en fait on a pu observer ce signal gravimétrique en fait avec des sismomètres. Un sismomètre étant simplement sensible à l'accélération du sol, hein. Simplement, on est avec ces appareils actuels, on est limité par la sensibilité des instruments, mais aussi par tout un ensemble d'autres phénomènes qui génèrent des ondes sismiques dans la bande de fréquence qui est utilisée pour faire ces observations, et qui en fait font que ces sismomètres sont probablement pas adaptés pour enregistrer ces signaux gravimétriques pour des séismes bien plus petits. Il y a une autre étude intéressante qui est toute récente, qui est publiée fin janvier dans Nature Scientific Reports, qui parle, elle, de l'observation des vibrations atmosphériques, et notamment dans les hautes couches de l'atmosphère, qui pourraient elles aussi être observées, et donc peut-être renseignées dans les délais d'alerte précoce que vous signalez, Jérôme Verne. Oui, alors ça fait quand même plusieurs années qu'on a des observations au niveau de la ionosphère, donc qui est la couche très extérieure de l'atmosphère terrestre, entre, il me semble, 50 et 400 kilomètres à peu près d'altitude, où on observe des variations en fait de la densité d'électrons au moment et après certains séismes, et qui permettent quelque part de suivre les ondes sismiques à la fois cette fois-ci dans l'atmosphère, quelque part. Alors, il y a aussi eu quelques études qui sembleraient peut-être indiquer qu'il y avait des signaux qu'on pourrait enregistrer dans la ionosphère avant les séismes. Et là, on rentre dans le domaine des signaux précurseurs. Mais oui, on peut tout à fait maintenant, enfin, il y a plusieurs études qui montrent qu'on peut utiliser ces enregistrements dans la ionosphère pour finalement essayer de quantifier aussi la magnitude d'un séisme à partir de ce qu'on observe dans l'atmosphère. Mmh. Pascal Bernard, sur ses travaux sur la ionosphère. Le mécanisme est assez simple. En fait, lorsque le sol au voisinage d'une faille de grande dimension se soulève ou s'affaisse, mais disons on prend le cas d'un soulèvement, que ça soit sous l'eau ou à l'air libre, ce soulèvement va impacter l'atmosphère qui elle aussi va se soulever. Ça fait comme un haut-parleur en fait. Et cet haut-parleur a plutôt basse fréquence puisque ça se soulève en quelques dizaines de secondes. Cette surpression qui est donnée par le soulèvement lent du sol, va se propager. L'air est élastique et ça se propage comme une onde dans la Terre, mais sauf que là c'est acoustique, c'est la compression de l'air qui remonte tranquillement à la vitesse de 300 mètres par seconde dans la partie basse de l'atmosphère. Ensuite les vitesses varient, peu importe, et ce qui fait que quand ça arrive dans l'ionosphère, ça arrive à peu près, si de mémoire, à peu près 6 minutes après, eh bien l'ionosphère elle bouge aussi, et donc ça va comprimer certaines zones de l'ionosphère avec une densité électronique plus forte, et puis ensuite ça va se dilater quelques dizaines ou centaines de secondes plus tard, et donc ça va osciller. Cette pulsation de la densité ionique, électronique de l'ionosphère, elle est détectée comment ? Soit par des satellites qui croisent dans l'ionosphère et qui font une mesure directe, mais plus facilement, en fait, par les satellites GPS qui sont bien au-dessus de cette ionosphère et qui envoient des ondes en permanence aux quatre coins de la planète, qui sont reçues sur des antennes satellites au sol. Et ces ondes sont perturbées par cette variation de densité électronique. Elles voyagent un peu plus lentement, un peu plus vite. Et si, en croisant les informations de différents capteurs GPS, on s'aperçoit qu'en plus de la position de l'antenne, on voit une petite oscillation bizarre. Et ça peut être exploité par croisement de différentes informations qui viennent des différents satellites et des très nombreux systèmes GPS qu'il y a par exemple au Japon. On arrive à faire une tomographie de l'ionosphère et on peut reconstruire la propagation de cette onde ionosphérique qui est à l'image de la propagation d'une onde de soulèvement du sol ou de la mer. Et comme ça, on peut détecter non seulement les séismes, mais les tsunamis. Il y a une autre étude encore qui date du 30 août, celle-là, par une équipe de Los Alamos au Nouveau-Mexique, qui a mis au point un modèle simplifié en laboratoire. Alors c'est un modèle effectivement très simplifié à partir de petites billes qui représentent la croûte et la roche. Et cette équipe a découvert un motif sonore qui n'était pas pris en compte par les autres méthodes, parce qu'il ressemble au bruit de fond du mouvement des plaques tectoniques et non à un événement sismique. Est-ce que vous avez vu passer cette étude ? Et est-ce que là, pour le coup, ça peut être quelque chose qui relèverait, qui permettrait de faire un peu de prédiction à plus longue échéance que la seule alerte précoce, Jérôme Vergne ? Je dois admettre que je n'ai pas vu cette étude-là. Vous n'avez pas vu celle-là ? Moi, je l'ai vu de très près. Parce que, évidemment, elle est directement liée au travail que je fais avec des collègues au Chili, en Grèce, au Japon, etc. Donc, oui, effectivement, ils ont en labo, ils ont écouté un petit peu les signatures acoustiques ou, disons, de vibrations de blocs qui bougent l'un par rapport à l'autre. Et il voit qu'effectivement, en fonction du niveau de bruit qu'il y a au cours du temps, donc en fait, ce qui se passe, c'est que, pour simplifier, on fait des mini-séismes. Donc, il y a une zone, pendant un certain temps, on comprime et puis on essaie de faire glisser la faille, elle résiste. Et puis, d'un coup, elle casse, ça glisse. Et puis ensuite, on continue à essayer de faire glisser, puis ça résiste encore. Et donc, on a un cycle de résistance et de rupture. Donc, en gros, le chargement tectonique et le grand séisme. Et là, c'est miniaturisé. Ce qui se passe, c'est que pendant, vers la fin du chargement, peu avant la grande rupture, ils voient des micro-ruptures. Donc là, c'est très bien, tout le monde est content, c'est les précurseurs, mais ça, c'est connu depuis fort longtemps. Ce qui est nouveau ici, c'est que même au tout début de la période de rechargement, donc après le séisme, dans la phase où normalement tout devrait être tranquille, rien ne devrait trop bouger, ça reste coincé, il y a un petit grondement. Ce grondement est en fait associé au fait que, comme je vous le disais tout à l'heure, les failles ne peuvent pas s'empêcher de glisser, même si elles glissent de quelques angstroms par minute. Et ce petit glissement génère un petit grondement. Alors ces grondements ont été observés dans certaines zones de failles profondes au Japon depuis une quinzaine d'années maintenant. ils commencent à être mieux compris, encore un peu mystérieux, ils sont mieux compris, ils sont mieux identifiés, localisés, encore assez mal compris. On pense que c'est du glissement lent sur des failles un peu rugueuses, donc ça frotte, en gros, ça gronde, mais ça se coince pas vraiment pour donner lieu à des grands séismes. Et puis c'est pas silencieux, c'est pas un glissement sur du beurre. Et donc ce qu'ils voient dans le labo, c'est que le niveau de bruit dans la période qui est la période qui suit le dernier séisme, ce niveau de bruit est suffisamment riche en informations pour dire que la prochaine rupture aura lieu dans 10 secondes ou dans 30 minutes, je sais pas très bien l'échelle du temps qu'ils avaient dans leur labo. Et donc c'est très étonnant parce que autant pour les précurseurs de dernière minute, on comprend que voilà, ça s'excite et ça va casser bientôt, autant pour quelque chose qui a lieu bien au début du cycle, on se demande comment ça peut y arriver. Alors en fait, ils ont pas encore tout débroussaillé, on peut avoir des explications plus simples comme quoi finalement c'est une mesure de la vitesse et donc ils ont pas encore corrélé exactement, mais la vitesse est très difficile à mesurer. Ils n'ont pas encore corrélé le niveau de bruit avec la vitesse. Et donc, si la vitesse impose une accélération avec une loi de frottement bien, bien régulière, on peut expliquer ce phénomène d'information qu'on aurait bien avant la rupture et même peu de temps après le dernier séisme. Alors, passer aux failles, à la réalité, c'est la réalité de la nature. Ça, c'est vraiment autre chose. C'est évidemment, il faut le gonfler un peu l'article pour qu'il puisse faire un peu mousser l'affaire. C'est évidemment, le Graal, quoi. Donc, personne n'y croit trop, mais il faut aller dans cette direction-là. Voilà. Jérôme Vergne, ça vous semble prometteur maintenant que Pascal Bernard l'a expliqué brillamment? Oui, ça me faisait penser, Pascal Bernard l'a un petit peu évoqué, au fait qu'en fait, il y a maintenant une dizaine, presque une quinzaine d'années, on s'est rendu compte que la manière d'accommoder le glissement sismique peut se faire de différentes manières. C'est-à-dire qu'on a découvert qu'il y avait certaines zones de faille, notamment dans les zones de subduction, qui, au lieu de générer, de relâcher, on va dire, les contraintes de manière très brutale, sous la forme d'un séisme, les relâcher de manière beaucoup plus longue dans le temps et sous forme d'un glissement qu'on qualifie de glissement lent. C'est-à-dire qu'au lieu de relâcher l'énergie d'un magnitude 7 en quelques secondes, et donc générer des ondes destructrices, ça pouvait être relâché en quelques jours, quelques semaines, et donc sans générer d'ondes sismiques destructrices. Et ça a été une découverte assez impressionnante, intéressante en tout cas pour bien comprendre un peu la mécanique des failles et on a pu se rendre compte que en fait c'était pas si ces glissements lents qu'on a pu observer en fait avec des GPS au début ils étaient pas si ils pouvaient générer des petits signaux sismiques tout petits que jusqu'à présent on considérait comme un bruit comme celui généré par l'activité humaine, mais qui en fait, quand on installait plein de sismomètres, on se rendait compte que c'était comme des micro-séismes qui se produisaient au niveau de ce glissement lent. Ce glissement asismique, transitoire, tel qu'on l'a appelé, si je ne m'abuse, Jérôme Vergne, c'est bien cela dont vous parlez? Oui, c'est ça. Un mot peut-être pour conclure, puisqu'on arrive à la fin de cette émission, en quelques mots, est-ce que vous croyez aujourd'hui que, bien compte tenu de l'avancée non seulement de la recherche, mais aussi de la finesse des outils de mesure, de la puissance de calcul, de modélisation des ordinateurs, on arrive à moyenne échéance à détecter, à trouver un signal précurseur qui soit un signal précurseur infaillible pour anticiper un peu plus que pour ces alertes précoces les futurs séismes? En quelques mots, Pascal Bernard. Infaillible, très probablement non. Par contre, qu'on augmente un peu la probabilité d'avoir raison, j'espère. Disons qu'actuellement, là, on peut penser avoir raison une fois sur 100 ou une fois sur 10 dans les meilleurs des cas. Est-ce que si on observe quelque chose d'anormal, est-ce que on pourrait dire, on a 2 chances sur 3 d'avoir raison quand on dit qu'il va y avoir un séisme d'ici 10 jours? On peut espérer que dans certaines zones, on puisse arriver peut-être à quelques... une chance sur 3, peut-être. Je pense qu'on arrivera... J'ai du mal à croire qu'on puisse arriver à mieux d'une chance sur 2. Mais disons, de passer d'une chance sur 10 à une chance sur 3 dans certaines conditions spécifiques. Et d'ailleurs, ça a été fait. Mais statistiquement, on ne s'est pas encore validé. C'est-à-dire que quand les gens fuient les maisons, par exemple, des petits séismes et que 2 heures plus tard, le village s'effondre parce que le séisme a lieu, c'est que les gens ont bien fait une prédiction pour eux-mêmes. Donc, ils sont prêts à sortir plusieurs fois de leur maison quand même, pour, même si c'est pour rien, pour éviter que la maison tombe sur la tête. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Jérôme Vergne, merci à nos camarades de France Bleu Alsace à Strasbourg pour le duplex. Merci beaucoup Pascal Bernard. Je rappelle que vous pouvez vous procurer Pourquoi la Terre tremble, que vous avez rédigé Pascal Bernard et qui est édité chez Belin. Et puis, vous pouvez également, tant que vous y êtes, vous procurer la numéro 24 de la revue papier de France Culture sur le thème animaux si proches, trop proches, où l'on parle copieusement notamment de la cause animale et en partie du forum que nous y avions consacré à la Sorbonne il y a quelques semaines de ceci. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, c'était Emmanuel Morse-Duncan à la technique aujourd'hui. Dans un instant, deuxième épisode de la série documentaire 4 femmes de science par Olivier Chomel et Vincent Deck, c'est aujourd'hui Pascal Cossard. Et puis tout à l'heure, dans Du grain à moudre à 18h20, la francophonie est-elle un instrument de domination par Hervé Gardette? Pour ce qui nous concerne, eh bien demain, nous murmurons à l'oreille des ordinateurs, à moins que ce soit eux qui ne murmurent à la nôtre. Nous parlerons du langage des ordinateurs, comment ils parlent entre eux, entre nous, avec eux, bref, comment ils nous comprennent. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.